Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Jean-Marie Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole de l'association Lecturique. Lecturique qui renouvelle cette année. Lecture au jardin, ce sera tous les mardis jusque fin août entre 17h et 18h30. Un rendez-vous donc qui a déjà eu lieu des années précédentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? C'est la troisième année où nous sommes lancés dans cette aventure. C'est le thème des lectures cette année, à l'initiative de Nicole Granger, comme d'habitude, toujours à la pointe. On a fait un stage de lecture à haute voix et on transmet cette lecture à haute voix de textes d'auteurs, de textes poétiques à des gens qui nous écoutent et qui, on l'espère, liront le texte en entier. Ce sont des extraits de livres connus, peu connus. Ça se passe dans les jardins de Nancy et de la métropole. Voilà, dans plusieurs jardins. On va voyager avec vous du parc Sainte-Marie jusqu'au jardin du Palais du Gouverneur, au jardin d'eau, enfin différents endroits comme ça, tous les mardis, donc entre 17h et 18h30. Oui. Avec des lectures autour de l'aventure. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ce thème cette année ? C'est lié à la situation, vous savez, le Covid a un peu refermé chacun dans sa coquille, donc on voulait que les gens repartent à l'aventure et les initier à repartir à l'aventure à travers ces textes qui parlent d'aventure. Quel genre de texte on va pouvoir découvrir ? Je sais pas, on parle par exemple de Nicolas Bouvier qui a fait son aventure autour du monde, qui est allé jusqu'aux confins de la Chine. C'est une grande aventure à pied avec son âne là. On parle aussi, ça a été repris par l'actualité, des Cévennes et des ânes dans les Cévennes avec Stevenson là. Des aventures pour que les gens ressortent, ne restent pas malheureusement confinés comme ils l'ont été trop longtemps. Effectivement, et puis se rencontrer donc autour d'une passion, autour d'une découverte. On peut venir comme ça, en se baladant dans le jardin, on va à votre rencontre et puis on passe un temps à vous écouter. Tout à fait, il y aura du balisage, donc les bénévoles sont là, ils appellent un peu le passant à venir écouter des textes, ça marche le plus souvent, des fois ça marche pas, mais on invite et puis on lit à tour de rôle pour pas lasser les gens pendant une petite heure, des textes, un, deux, trois bénévoles lisent des textes, connus, moins connus, et invitent les gens à relire le livre en entier. C'est des morceaux choisis, les bénévoles ont travaillé longuement pendant ces 6 derniers mois, ils n'avaient pas besoin de se cacher parce que là le Covid n'entrait pas en ligne de compte, ils étaient chez eux, ils préparaient les textes, ils se rassemblaient par téléphone, ou bien deux, trois, et puis ils choisissaient des textes qui bien intéressants pour que les gens relisent le livre en entier. Des occasions de voyager avec les mots, les mardis entre 17h et 18h30 dans différents jardins de la métropole. Je précise que le dernier mardi, comme ça se passe au jardin botanique, et qu'il ferme à 18h, donc ce sera un peu plus tôt. Tout est précisé et sera précisé dans la presse et par Fadjet, merci encore. Voilà, ce sera 16h précisément au jardin botanique, oui. Et ce sera le 24 août. Alors tout ça bien sûr, parce que c'est pas évident, on va pas arpenter au hasard les jardins, il y a un planning, il y a un programme qu'on peut retrouver sur votre site qui est associationlecturique.wordpress.com. Seul bémol, c'est la pluie, le mauvais temps, là bon, de toute façon les parcs seront fermés en cas de trop mauvais temps. Mais sinon, les bénévoles sont là, à disposition. Si on devait terminer sur un conseil lecture autour de l'aventure que vous pourriez proposer aux auditeurs. Citer Nicolas Bouvier, il y a quelques textes comme ça de grands auteurs, de grands aventuriers qui sont partis autour du monde. Bon, il y a bien sûr en Afrique, il y a de beaux livres d'aventure qui ressortent justement, c'est pas un hasard, qui sont invités par les libraires à la lecture. On a besoin de voyages. Merci beaucoup Jean-Marie Bertrand. Voyager. Merci beaucoup Fadjet.